Directement des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les Panins, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 7 au 13 février 2011. Je m'appelle Mathieu Plante et on va passer 3 heures ensemble à écouter le top 20 francophone et top 20 anglophone, c'est-à-dire la crème, les choses les plus appréciées par les animateurs de C'est fou. La semaine passée, numéro 1 francophone, c'était Chromeo avec J'ai claqué la porte. Et du côté anglo, c'était The New Pornographers avec My Shepherd. On va savoir d'ici la fin de l'émission si tout ça tient. Mais avant ça, on a plein de nouvelles entrées. On en a 9. Ça n'a même pas d'allure. Du côté anglophone, on va entendre Katie Moore, Rara Riot et Diamond Rings. Du côté franco, il y a Cardinal, Jimmy Hunt, Karim Ouellet, Panache. Ils dansent avec les genoux, mais on va débuter avec la 20e position. Voici Les Incendiaires sur la compilation Francouverte 15e édition. Voici Amant d'immeubles sur C'est fou 89.1 FM. C'est les Palmarès C'est fou. Oh! Et guess what avec Stéphanie Gagné et un instant classique avec moi et FO.

numéro 19. Nouvelle entrée. Anymore. Rara Riot et Massachusetts, nouvelle entrée en 19e position anglophone. C'était précédé d'une nouvelle entrée du côté franco. Il danse avec les genoux et la pièce La Grande Chef. Un autre extrait de la compilation Francouverte 15e édition. C'est la même chose pour Les Incendiaires tout à l'heure en 20e. On est rendu aux 18e et 17e places. On va sauter par-dessus Weezer en 17e anglophone tantôt. On va entendre par contre trois nouvelles entrées, deux du côté francophone et une en anglophone. Je vous expliquerai tout ça au retour parce qu'on en fait beaucoup à retenir. Voici Panache en 18e, Le Genou de Claire. Restons calmes et n'ayons l'air de rien. Tout sera réglé avant demain. Ce désir-là qui m'arrache la tête. Il est peut-être, peut-être, peut-être, oui, non, je veux connaître le rubicon et la conquête. Quand ma main sur son genou, le genou de Claire. Pure et parfaite et pieds nus en l'herbe. Elle ne sait pas que toujours j'observe. Au retour, Karim Ouellet, Jimmy Hunt et Cardinal. Cardinal, quand même, pas dur à dire, Cardinal. Au palmarès, c'est fou, restez avec nous. C'est fou dans vos oreilles. Numéro 17. Nouvelle entrée. J'adore déjà ça. Karim Ouellet avec Météor, nouvelle entrée en 17e position francophone. On a sauté par-dessus la position anglophone Weezer avec Hang On parce que cela depuis 9 semaines. Faut bien sauter par-dessus des affaires des fois pour tout rentrer. Ça descend de 6 places. Avant d'entendre les 18e positions, du côté anglo, c'était Katie Moore avec Something On Your Mind. Et en non-francophone, c'était Panache avec Le Genou de Claire. Bon, c'est bouclé pour ce bloc. On est rendu aux 16e positions. Du côté anglophone, on va entendre The Rescue qui était nouvelle la semaine passée. Ça monte de 4 places. C'est Televised. On débute avec une autre nouvelle entrée du côté francophone. Voici Jimmy Hunt et Ça va de soi au 89 FM. C'est les palmarès, c'est fou. Maintenant tu dors dans une pièce sans toi, avec tous tes morts, ça va de soi.

Televised, la formation The Rescue, formation canadienne en position numéro 16. C'était nouveau la semaine passée. Avant ça, du côté franco, c'était Jimmy Hunt avec Ça va de soi, nouvelle entrée du côté francophone. On est rendu au 15e place. En fait, tout à l'heure, on va entendre Wing and the Hollow et Lauren Best en anglophone. On débute avec la dernière nouvelle entrée des palmarès de cette semaine. Du côté francophone, en 15e place, voici Cardinal et une fin heureuse. Mon palmarès, c'est fou. On y croit plus demain, on rêvera. Au jour suivant, ou si loin qu'il le faudra. Numéro 15. Fairy tales are lies you see. so much, not thinking clearly, and sleeping in too late, pondering, wondering, reading unsuccessfully and such. A perfect time to disappear, pack my soul inside my fears. I'm turning once again to sex and self-destruction, mass consumption and mass production, and microcosms and scale reductions. Yeah, I'm still fading with make-believe, supersaturated fantasy. Fairy tales aren't lies, you see, your castle in the clouds was built by me, and I never, ever, ever meant to tear it down. Different. nothing to say. Long ago and far away, this is how I learned to win the war. Last thing I remember was the coming of the storm. I was warned, I was warned. I was warned. Wing and Hollow avec Frozen Trees en position numéro 14 anglophone. C'était précédé, en fait, c'était précédé, mais on l'a pas entendu, de Jérôme Dupuis-Cloutier avec Johnny Malaise. Avancé en 15e place anglo, c'était Lauren Best avec Sex and Self-Destruction. Et en franco, c'était Cardinal avec Une fin heureuse. Je sais pas pour vous, mais c'est la première fois dans ma vie, en tant qu'animateur des palmarès, qu'on a une semaine aussi remplie de jeunes femmes qui se plaignent. Non? C'est vrai, mais c'est comme ça. On aime ça pareil, là. Moi, j'aime beaucoup ça. Katie Moore, Lauren Best, Wing and Hollow, toutes des jeunes femmes qui pleurnichent un petit peu. Mais c'est un genre, j'aime bien. On est rendu aux prochaines positions pour terminer cette première heure. C'est les 13e. Du côté anglo, on va avoir Final Flash avec Go Outside. Mais on va commencer avec Paul Carniello et une pièce qui était en nouvelle entrée la semaine passée. Voici La vérité n'existe plus. Au palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir au 89. Hein? Est-ce que ça paraissait quand je faisais ça comme ça? Puis quand mon micro il a comme tassé, puis j'avais. La vérité n'existe plus. Le roi et la reine, l'humidité et la haine, des arcs-en-ciel sans couleur, aux gloires de l'empereur. Le cavalier et le fou, la peur et le doute, des milliers de rêveurs tombés au champ dans l'un. La vérité n'existe plus. Le sang est dans tes yeux, le pouvoir n'est plus dans tes mains. Les temps pour être mieux, tu marches un nouveau terrain. Il n'y a pas de vérité, toujours à chercher, avec rien à trouver. La vérité. Tylon Flash et Go Outside, position numéro 13 anglophone. C'était précédé de Paul Carniello et La vérité n'existe plus, qui monte de 7 places. C'était nouveau la semaine passée. Voilà pour la fin de la première heure. On se retrouve tantôt avec une deuxième. Il va y avoir Cafard, Ariel, Cri du chat, Vulgaire Machin, Golden Collider, Tokyo Police Club, Wolf and Cub et plein d'autres choses. Stéphanie va être avec moi pour le reste de l'émission. Il va y avoir un instant classique avec les meilleurs moments d'assemblage requis et son bloc de nouvelles. Guess what? Alors restez là, c'est les Palmarès, c'est fou. Bon, donc c'est la deuxième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 7 au 13 février 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, Stéphanie Gagné. Bonjour, Stéphanie. Bonjour, Mathieu. On va dire subtilement que tu viens d'arriver. Eh oui. Pas supposé faire référence à ça, mais moi, j'ai de la misère à pas faire ça. Ben, c'est sûr. Sinon, c'est un peu louche que tout à coup, j'arrive. Soudainement, une voix de fille. Voyons donc. Non. Marche moi, pas, je peux-tu me plaindre, comme toute la musique dans la première heure? Ah, comme les filles qui chantaient avec des chansons qui sont donc tristes. Ton genre de musique. Oui, tout à fait, mais c'était pas mauvais. Ben, juste... Au moins, il y a eu les incendiaires cardinales, je suis vraiment contente. Tout à fait, plein de bonnes choses que vous avez ratées si vous avez raté la première heure. Too bad! Vous écouterez l'émission la semaine prochaine. Ou la reprise de demain. Demain. Ou de il y a une semaine, pour ceux qui écoutent demain, qui est dans le fond aujourd'hui si vous êtes demain. Tu vois, Jean? Ouais. Ouais. Compliqué de comprendre des fois, même. Je sais. La deuxième heure commence avec les positions numéro 12. Du côté anglophone, on va avoir Black Mountain avec Buried by the Blues. Ça monte de 3 places. Et du côté francophone, c'est Vulgaire Machin avec une chanson acoustique qui descend de 6 positions. Et après ça, on écoute les meilleurs moments d'assemblage requis dans un instant classique. Mm-hmm. Forever into the darkest shades.

D'habitude, je serais comme, ils sont des acquis. Ils dansent avec les genoux. Pas trop fort, Mathieu. Pas trop fort. Très relax aujourd'hui. Merci. De l'assemblage requis au 89.1 FM. F-O. F-O, non, F-O et M. C'est pas loin du M. Hey, oui, c'est ça, exactement. F-O. T'as l'air que t'es fort. C'est fou, 89.1 F-O et M. Wow. Aïe, aïe. T'es brûlé, Mathieu. Ah, je suis chaud du front. Ça va très bien, ça va mieux qu'hier, je te dirais. T'es élégant à voir en ce moment. Ah, t'es trop fin. Ben, j'ai récupéré de mon rhume dont on parlait hier, hein, c'est ce que tu veux dire, j'imagine. Plus de sueur dans le front, et puis au lieu d'avoir un café dans ma tasse à café, c'est du nez au citron. Exactement. Donc, je fais tout ce que je peux pour être là avec vous en ce jeudi matin. Ben oui, c'est dit à la main, comme ça. C'est dit à la main. Dit à la main. J'aime ça comme expression. Non, je dis à la main. Est-ce qu'on fait ça? Donc, on amène Simon Fitzbé? C'est ça? On amène. On l'amène. Sur un plateau d'argent. Oh, ben notre plateau est rempli d'argent depuis qu'on l'a refait l'automne passé. On a refait, si les gens remarquent à la maison, on refait le plateau. Je sais pas si vous avez vu les flat screens partout. Puis c'est super beau, là. Donc, écoutez le match des Patriotes présenté ici même sur les ondes de C'est fou. C'est samedi. Samedi, à 14h. Sur les ondes de C'est fou, à 14h. C'est samedi, sur C'est fou, 14h. C'est fou, samedi. Hein? Samedi. Peut-être c'est le petit piton reset. Je pense qu'il a été bloqué. Merci à François Landry. Bonjour, Barbe. Je vais quand même l'imiter. Bonjour, Barbe. Parce qu'on n'est pas très bon pour écrire des sketchs. C'est comme nos pubs, c'est de la merde. Voyons donc. Je finis jamais mes mots quand je dis ce mot-là, par exemple. Ah, ben, c'est ça qu'il faut. Bah, c'était les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 7 février 2011. Tu l'as dit, les meilleurs et les très, très, très, très mauvais moments. Bon. Donc, tu t'as dit pire, hein? Oui. Moi, je dis mauvais. Ouais. Ouais, les très enrhumés moments. C'est pas super. Non? C'est pas super. Moi, c'est-à-dire, tu te rappelles? Oui, et oh, c'était pas dur. Pas facile à écrire, ça. Pas dur. Non, c'était pas super. Finalement. Bref, écoutez donc l'assemblage requis du lundi au jeudi entre 7h et 9h avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante, ici même sur les ondes de C'est fou, 89.1 FOM. Infopub. Infopub. Bon. Nous, on retourne dans nos palmarès. On était rendu aux positions numéro 11. Par contre, on va sauter par-dessus l'anglophone Danko Jones avec Magic Snake. J'ai l'impression de la sauter à chaque semaine, mais elle descend de deux places. Et c'est quand même sa 9e semaine. Oui. Elle n'est pas récente. On l'a fait jouer au début. Oui, au début. Jusqu'à temps que ce soit comme une des plus vieilles. Moi, je prédis que c'est sa dernière semaine. Ah oui? Moi, je prédis qu'elle va rester encore un petit bout. Mais on va écouter du côté francophone. La 11e position, c'est Cri du chat avec l'auberge sanglante qui monte de deux positions. Vous écoutez un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Il n'y a pas de pire. Non, y a seulement le meilleur. Il y a de la pas... De la coussi-coussa, hein, c'est ça? La so-so. So-so. So-so-so Dio. Genre. Ça manque de texte, cette émission-là. Il faudrait écrire des blagues à insérer ici, genre. Parce que nos blagues sont toutes mauvaises. Ouais, les tiennes sont pas si pires. Ben, j'en veux pas souvent. C'est pour ça. Collider avec Sound Central à la 10e position, c'est sa 6e semaine au palmarès. Avant ça, on doit sauter par-dessus The Gaslight Anthem avec Bring It On, stable du côté anglophone. Et on a entendu Cri du chat avec L'Auberge sanglante à la 11e position. Et on a sauté par-dessus Dico Jones avec Magic Snake en anglo. Hein, bon, c'est un beau bloc de On a joué la moitié, hein? Exactement. Très bien. Vous êtes toujours au palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. D'ici la fin de l'émission, Stéphanie Gagné va nous présenter ses nouvelles et actualités artistiques, culturelles et potinesques. Non, il n'y a pas de potin aujourd'hui. Pas de potin? Pas de, il sort peut-être avec l'autre de l'autre band? Non. Moi que j'ai toujours raison quand je fais des potins. Mais non, pas de potin. Ouais, non, ça. On parle d'un film d'Arcade Fire, de vidéoclip et de spectacle. Donc, ce n'est pas des potins, ce sont des non-potins, des impotins et seulement des affaires impotentes. Oui. Dans ta chronique, genre, non? Absolument. Ça te sent? Alors, on est rendu au position numéro 9 du côté anglophone. C'est Tokyo Police Club avec Favorite Color qui descend de la deuxième place, donc moins 7. Et côté franco, c'est Cafard avec la pièce Halogène qui est à la 9e position et qui baisse de 2. On écoute ça au palmarès, c'est fou! numéro 9. The day that your brother started to talk was the day that I found you like that. The national child star in a coat and a scarf along the laundromat. Now we got the keys to an apartment we share, and we stay up as late as we'd like Casey and Georgia, like Sonny and Cher. Tokyo Police Club, haha, je voulais le dire. Veux-tu le dire aussi? Tokyo Police Club, avec la pièce Favorite Color. Favorite Color! 9e. Ben, ça Je savais pas ce que t'allais dire, par exemple. 9e position, ça baisse de 7. Du côté franco, c'était Cafard avec Halogène, ça descend de 2 places. On est rendu au point de mi-chemin, au point de sauvegarde. C'est là que tu appuies sur Star, que tu fais Save. En plein milieu du tableau de Mario Bros. En plein milieu, puis après ça, bon, on reviendra avec la dépose. Comme quand t'en... quand tu fais avec le bouton. Select servait à rien. Qu'est-ce que tu faisais avec Select? Rien. Ben oui, quand tu as déjà passé ton tableau, puis là, tu y retournes, tu peux faire Start Select pour sortir. Bon point. Hein? Mais on conseille pas ça aux auditeurs, ne sortez pas de ça, là. C'est le palmarès, c'est fou, ça. Je pensais que t'étais gay. Finalement, je suis plus sûr. Bon. Je me sens gay. C'est fou. 89. 1-1. Pilou-lilou. C'est mon imitation du bruit de quand t'enlèves le pause. C'est n'importe quoi. Ouais, je sais, mais bon, t'essaieras, toi. Imite-le, toi, le son, OK? OK, vas-y, OK, attention. Non, c'est correct. Vas-y. Je suis pas assez geek, finalement, vas-y. Pour ça. Vas-y, je te force. Non, c'est correct. Je repars pas la musique tant qu'il y a pas le dépose, là. Bon, ben on va continuer en musique d'abord. Bon. On va l'entendre les positions numéro 8 du côté anglophone. C'est Wolf & Cobb avec 7-7, mon coup de cœur du moment. Et côté franco, un coup de cœur depuis longtemps, Ariel avec la pièce Mauve. Bon, elle non plus, je la parle pas tant que t'as pas fait play. Come on, je sais même pas c'est quoi le bruit de play. Il y en a pas, je pense. Bon. Ah, ça a parti, mais t'as dû le faire sans que personne le voie, là. Si on avait des textes, on pourrait les brûler. Ça serait une méchante bonne idée. Ouais.

could do to the stars. Say the sabers of them as me. I'm still what we thought we could be. Say the sabers of them as dreams that started to burst at the seams. Say the sabers that don't wanna know that it's time to let this thing go. C'est quoi ça? C'est dans mes bons. J'ai dit, c'est mon coup de cœur du moment. Seven Sevens de Wolf and Cobb. J'adore ça! Ouais, c'est très bon. Et c'est la position numéro 8 du côté anglophone. Et avant, on a entendu Ariel avec la pièce Mauve de leur album Après le crime. Mais quel excellent bloc! Quel excellent bloc! Comme pas mal, presque tous les blocs des Palmarès assez fous du début, presque à la fin. Puis là, ça s'en vient de mieux en mieux, là. Oui, eh bien, on monte vers le sommet. Hein. C'est le principe de palmarès. On a commencé avec les positions numéro 20. On se rend jusqu'aux positions numéro 1. Et la semaine passée, numéro 1 anglophone, c'était The New Pornographers avec My Shepherd. Est-ce qu'il est encore numéro 1? Je sais pas, moi. On Qu'est-ce verra. Que... Pourquoi tu me demandes ça à moi? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Aucune idée. Du côté franco, numéro 1, la semaine passée, c'était Chroméo avec J'ai claqué la porte. On va savoir d'ici la fin de l'émission si ça tient, mais avant ça, on est rendu aux positions numéro 7. Du côté anglo, c'est PSI Love You avec Face Love, ça monte de une place. Et côté franco, c'est Panache de Chantal Archambault qui monte de 4 positions. Et c'est là parce que tout à l'heure, on va parler des choses qui se passent ailleurs dans les palmarès. Donc, à un moment donné, si vous avez besoin d'une raison pour rester, ben c'est ça. Ou les nouvelles de Stéphanie. Peut-être plus ça. Les deux. C'est un petit peu plus intéressant. À peine. Je t'ai perdu, ton camouflage est trop fort. Et si je reprendrais le nord, avant que la nuit vole ton ombre et mon chemin aussi. Mais lors de mon retour, mon amour, mes hauts talons, j'ai cassé. Je ne pourrai déposer mes yeux dans des yeux si hautement perchés. Dès lors, jamais plus je ne marcherai. Autant seulement que pour te respirer. Alors reviens, moi, mon lit, j'ai un souffle sans toi. Ta fourrure à mon cou, ton souffle sur ma joue. Respirer. point de t'oublier. Mais depuis ton charmant retour, mon amour, mes ongles j'ai cassé. À tenter de te raccrocher. Solidement et joliment. Numéro 7. Avec la pièce Face Love à la 7e position côté anglophone. Oui, pièce I Love You et non pièce tendresse. Avant ça, du côté francophone, c'était Chantal Archambault avec Panache, ça monte de la 11e place. Donc, si je comprends bien, c'est 4 positions vers le haut. Et son album s'appelle La Romance des Couteaux. Hein, elle aussi est romantique, La Romance des Couteaux. Une autre fille. Oui, encore. Une autre fille qui ben, elle est pas si pleurnicharde que ça. Non, c'est quand même. C'est pas super. Et joyeuse, Chantal. Oui, très sympathique aussi. Oui, ben on l'a eu en entrevue ici même au Palmarès, c'est fou. Vous pouvez entendre l'entrevue sur cifou.ca. Donc, allez-y, pas pendant l'émission. Non, après. N'importe quand, sauf pendant l'émission. Mais en fait, après, parce qu'après, c'est mon émission. C'est ça, et les autres émissions de C'est fou sont toutes meilleures les unes que les autres. Donc, allez-y quand c'est la sécheuse, mettons. C'est ça. Quand il n'y a personne qui anime, allez-y. Bon. On est rendu au position numéro 6. Du côté anglophone, c'est Chili Gonzalez avec Never Stop, ça monte d'une place. Et du côté franco, c'est Bio Bazar avec la pièce Moon Queen du nouvel album Where's Vagina. Mais avant ça. Avant ça. J'ai pensé à ça. On avait dit tantôt qu'on parlerait de ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Ah! Mon Dieu, tu me prends de court. C'est tellement excitant ce moment de l'émission, donc écoutez bien. Les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 20 francophone et seulement un top 20 anglophone. Hein? C'est beaucoup plus que ça, n'est-ce pas? Top 30 des CD, top 3 des CD canadiens. Il y a aussi le loud et l'électronique. Top 3. Top 3. Nouvelles entrées dans le top 30 des CD. Bah, toi ouais, aussi, c'est de ça. La misère. Ben, c'est ça. Je niaise parce que j'aime me faire niaiser aussi. 18e place, Katie Moore avec Montebello. Katie Moore, qu'on a entendu précédemment dans le top 20 anglophone. En 3e position, on trouve Sufjan Stevens avec The Age of Odds. Ça monte d'une place. En 2e, ça monte de 17 Braids avec Native Speaker. Et en 1ère position, ça monte de 2 places. Nans & Nat avec leur Demo CD. Et pour le top 3 des 10 Canadiens, 3e position, c'est Atomic Baobab avec leur EP. 2e position qui monte de 17, c'est Braids avec Native Speaker. Et 1ère position, Nans & Nat avec leur démo. Allons dans le top 10 Loud maintenant. Une seule nouvelle entrée, mais c'est en position numéro 1, donc on le dira pas tout de suite. 3e place, c'est Lazarus AD avec Black Rivers Flow qui est stable. En 2e, ça descend d'une place de Ghost avec Opus Eponymous, oui. Et en 1ère, là, c'est une nouvelle entrée, Motorhead avec The World Is Yours. Pour le top 10 électronique, une nouvelle entrée aussi, c'est The Empath à la 8e position avec Meanwhile. 3e position, Marco Benevento avec Between the Needles and Nightfall. 2e position qui reste stable, Junip avec Fields. Et 1ère position aussi stable, MFMB avec Folded. Et reste avec nous parce que d'ici la fin de l'émission, on va entendre un extrait de ce top électronique si tout va bien, si tout comme va. Si tout va comme prévu, si tout comme va. Prévu, ça se dit pas vraiment. Non, mais je pense qu'on va avoir le temps pour l'électronique. Ah, tu prédis ça, toi? Ben, on est quand même avancé. Eh ben. On est rendu à 6e position, il n'y a même pas 4 heures encore. Ouais, oublie pas tantôt, t'as ton blog de nouvelles, hein? Donc ça va nous prendre un bon petit 10 minutes, ça là, mais bon. Ouais. Moins que 20 minutes les dernières semaines. C'est bon, moins pire. Parfait. Alors, on va entendre les positions numéro 6, on en a parlé tantôt. Donc, Chili Gonzalez va être juste après Biobazar. Moon Queen. Au palmarès, c'est fou, 89.1 FM. Radio Campus de Trois, bien... We'll be right back. 6. Numéro 6. Gonzalez avec la pièce Never Stop de l'album Ivory Tower, c'était à la 6e position anglophone. Avant ça, c'était Bio Bazaar avec Moon Queen qui monte de Colin. C'est un gros saut de 13 places. Wow, bravo, c'était une nouvelle entrée la semaine passée. C'est la fin de la première heure, on en a une troisième qui s'en vient tantôt. Deuxième, troisième, peu importe, c'est une autre heure. troisième. C'est important son numéro, il n'y a pas, tu sais, non? Hey, pas important le numéro. Bon. Hey, il va y avoir, entre autres, Vanessa Parietta, Martin Léon, Chroméo, Alex Nevsky. Oui. Oui. Je suis contente. Braids, Nans and Nat, Atomic Baobab et Sufjan Stevens. Alors, reste avec nous. Est-ce que tu vas rester avec nous? C'est ça la question. Oui, Mathieu, je reste. Moi, je vais être là. Toi, tu vas être là? Oui, toujours. D'accord, ben t'es mieux, parce que je te surveille. Pour ma belle chouette. Ouais. Remplir du temps, réussi. 89. Ah, c'est fou, bon tour, c'est la troisième heure des Femmes assez fous pour la semaine du 7 au 13 février 2011. Oui, la troisième heure. Troisième heure, Mathieu Plante. Third hour, Stéphanie Gagné. Big, big, big winner. Merci. Oui, c'est toi la gagnante des palmarès. Tu gagnes une feuille de palmarès. Hein? Mathieu Tousignan-Plante. Ah! Moi, je te traite de gagnante et tu dis mon deuxième nom de famille en onde. C'est pas juste. Au nombre de fois qu'on l'a dit, là, c'est plus un secret pour personne. J'avoue, mais il y a des gens qui écoutent pas toujours les palmarès assez fous et eux, ben, honte à eux. Parce qu'ils ratent de la bonne musique. Bon. Alors, on est rendu aux cinquième position. Du côté anglophone, on va entendre The New Pornographers et My Shepherd, l'ancien numéro 1. Donc, on a un nouveau numéro 1 anglophone. Et on sait qu'on a un nouveau numéro 1 francophone aussi parce que... non, on sait pas ça. On sait pas ça du on tout. On sait pas ça. Parce que, c'est même pas vrai. Un, parce que... Ah, je viens de dire le punch. Hein. T'es méchant, Mathieu. Ben, je sais, je m'excuse. Mais bon, avant d'entendre The New Pornographers, on va entendre du côté francophone Martin Léon avec la pièce « Prends-moi tel quel » qui monte de 10 positions. Parfait. Si tu veux l'entendre, on va l'entendre. Et puis, si tu veux savoir si le numéro 1 est encore le numéro 1, ben... Attends. Attends, c'est ça. Attends. Attends, ouais. Ouais. Tu vas le savoir plus tard. Hein? On parle comme ça à Trois-Rivières. Prends-moi tel quel. Prends-moi tel quel. ça aller. Et après avoir réfléchi, est parti. Numéro 5. My Shepherd de la formation The New Pornographers en position numéro 5 et l'ancien numéro 1 du côté anglophone. Et avant, c'était Martin Léon avec la pièce « Prends-moi tel quel » de l'album « Les Atomes ». Et oui. Et maintenant, ben, vous l'aurez peut-être deviné. Alors, en fait, vous ne l'aurez pas deviné parce qu'on a échangé deux chroniques de place. Fait que là, vous vous attendez à quelque chose, puis c'est d'autres choses. On est de même, nous autres. Stéphanie Gagné est rendue à cette heure-ci, en début de troisième heure. Voici « Guess what ». Guess what? C'est le moment de parler de choses qui se sont passées dans le domaine artistique et culturel. C'est le blog Guess What avec Stéphanie Gagné. Oui, ma première nouvelle, ça a rapport avec le groupe The Strokes. Ça faisait longtemps qu'on en parle, qui annonce un prochain album. Eh bien, leur album, il y a une date de sortie, c'est le 22 mars prochain. Et l'album va s'intituler Angles. Et il y a même un nouveau single qui s'intitule Undercover of Darkness. Et depuis hier, on peut aller le chercher gratuitement sur Internet, mais seulement pour 48 heures. Jusqu'à probablement demain matin. Demain étant vendredi matin, donc si vous écoutez le vendredi soir, on rappelle. Il est trop tard, bande de nuls. Va falloir attendre à l'album le 22 mars prochain. Alors, c'est vraiment une excellente pièce. J'avais hâte d'entendre du nouveau matériel. Le dernier album de The Strokes remontait à 2006 avec l'album The First Impressions of Earth. Alors, on avait hâte à un nouvel album. J'ai vraiment hâte au 22 mars d'entendre ça. Et si ça ressemble pas mal au nouveau single, ça va être excellent. Et justement, je vais faire jouer la pièce dans mon émission après les palmarès. Une première émission, c'est les jeudis à 17h. On rappelle les... Mardi à 13h! Yeah. T'es bon? Merci, toi aussi. Merci. Ça fait plaisir. Alors voilà pour la première nouvelle concernant The Strokes. Tu te rappelles, Mathieu, j'avais parlé il y a quelques temps qu'il ne faisait plus de cassettes maintenant. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, maintenant, c'est fini pour les lecteurs cassettes dans les autos aussi. Ah, ben il fabriquait des lecteurs cassettes en train de mesure pour les voitures. Je vais dire ça. La dernière voiture, c'est une Lexus SC430 2010. C'est la dernière voiture à avoir eu un lecteur cassette. De base. Mais c'est cheap de la part des compagnies. C'est vraiment cheap. C'est Lexus en plus, là, oui. C'est pas une petite compagnie cheap. Là. Donc le modèle de marque de base, tu l'achetais sans demander un lecteur CD, il venait avec un lecteur cassette. C'est cheap. Mais peut-être qu'il y avait les deux aussi. Peut-être qu'il y avait lecteur cassette et CD. J'espère. Probablement dans une Lexus, je suppose. Ouais, on suppose. Mais même qu'on ne pourra plus demander, admettons, même si de base, il n'y a pas le lecteur cassette, tu ne pourras pas demander en option d'avoir le lecteur cassette. C'est fini. Mais tant mieux, pour vrai. Non? Et niveau la qualité sonore d'une cassette, ben c'est vraiment dégueulasse. C'est des fois qu'il faut forcer le monde, peut-être, à changer de technologie. Non. Hein? Ouais, mais moi, les gens essaient de me forcer d'oublier les CD, puis moi, je suis résistante. Ouais, mais c'est ça. Ça, c'est correct. Dans le sens, c'est correct que les CD continuent jusqu'à temps que le public arrête de le demander. Quand il n'y aura plus personne qui va vouloir des CD, parce qu'il y en a encore beaucoup, on s'entend qu'ils veulent des CD. Ouais, quand même. Un jour, ça passera à d'autres choses, peut-être. Ben, c'est sûr. Moi, je suis pas prête encore. Je pense que jusqu'à ma mort, je vais rester au CD. On peut toffer encore longtemps. De toute façon, j'ai assez dépensé d'argent dans les CD, pas question que j'élimine tout ça. Ouais. Alors voilà, c'est la fin des cassettes dans les autos. Alors probablement que je suppose que sous peu, d'ici quelques années, on n'aura sûrement pas de lecteur CD non plus. Oui, mais quelques années. On s'entend que les cassettes, c'est fini depuis longtemps. On peut compter ça en termes de décennies, là, combien de temps que ça fait, là, les cassettes, que les gens utilisent ça fréquemment. Donc dans 10 ans, s'ils disent... Je sais pas, ça doit faire 10-15 ans, peut-être. Ben, c'est ça. Ben, exactement. Donc si, mettons, à un moment donné, qu'on parle, tu sais, il n'y aura plus personne qui va utiliser des CD, sauf les très, très... pas arriérés. Comment qu'on appelle les gens qui utilisent des cassettes en ce moment? Je sais pas, des gens résistants au changement. Bon. Bref, peu importe. Mais il y a même des autos qui sont rendues avec l'option de iDeck là, pour mettre un iPod. Oh oui. Pas juste le fil là, que tu plugues, là, mais vraiment... Un socle sur lequel tu branches ton iPod. Fait que probablement que c'est ça qui va se passer dans le futur. Ensuite de ça, il y a beaucoup d'artistes québécois qui vont se rendre à Austin, au Texas. Au Texas. C'est juste à côté du Texas. Oui. Pour le South by Southwest qui se déroule du 11 au 20 mars prochain. C'est M pour Montréal qui organise ça. Il y a plusieurs artistes qui vont se rendre là. Dont Carquois, The Dears Malajub, Pascal Picorband et Mister Valère. Donc c'est très fun. On va avoir des artistes québécois qui vont se faire connaître très loin d'ici. Ouais. Quand même, c'est pas à côté. Texas. Bon, ensuite de ça, j'avais une autre nouvelle. Je suis vraiment contente de cette nouvelle-là. Il va y avoir une nouvelle salle de spectacle à Trois-Rivières. Ah. Oui. au-dessus du torréfacteur sur la rue Notre-Dame. OK. Ça remplace, ce ne sera pas le maquisard. On serait comme temps que le maquisard revienne. Je pense pas qu'il va revenir. Je pense que j'ai fait mon deuil, malheureusement. Une chose à la fois. En haut du torréfacteur. Oui, en haut du torréfacteur, à côté du nord-ouest, il va y avoir une nouvelle salle de spectacle qui peut accueillir 160 spectateurs. Et il y a déjà des activités. 24 et 26 février, les sages fous, le cirque Corfelin. Aucune idée c'est quoi, mais ça se passe cette date-là. Donc, c'est à partir de là qu'il va commencer à avoir des spectacles là-bas. Est-ce que tu sais si ça a déjà été une salle de spectacle avant ou c'était des appartements qu'il y avait là? Aucune idée. Une bonne question. C'est un article que j'ai lu sur sefairerevoir.com. On ira voir ça. Oui. Un jour. Ben, sûrement qu'il va y avoir des spectacles intéressants, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de salles de spectacle à Trois-Rivières. Ça risque d'être intéressant. Ouais. Je suis bien contente. Mais j'aimerais ça que le maquisseur y rouvre. Ben, c'est ça. Là, c'était une grande salle de spectacle. Il rentrait 500 personnes là, là-bas. Là. J'ai vu de nombreux spectacles là-bas et que de souvenirs. Belle place. Très. Ensuite, il y a des nouveaux vidéoclips qui sont sortis cette semaine. The Black Keys ont sorti leur deuxième clip pour l'album Brothers. C'est pour la pièce Too Afraid to Love You. Et aussi Armistice, le groupe de Béatrice Martin et Jay Manowski. Béatrice Martin qui est cœur de pirate pour ceux qui savent pas encore. Qui sortent leur album, leur EP, le 15 février prochain. Et ils ont sorti un nouveau clip pour leur single Mission Bells. Clip assez simple. On les voit en train de se promener dans le désert sous différentes options de caméra. Là. Des couleurs différentes, ouais, sépia, etc. Etc. Bon. Ouais. Puis c'est tout. Super. Mais un clip pas écœurant, mais quand même, moi j'aime bien la chanson. C'est vraiment différent. Il y a vraiment des influences mexicaines, etc. Ça fait assez différent de ce qu'on entend habituellement. Parfait. Et finalement, dernière nouvelle. Vous savez, Arcade Fire a sorti un album au mois d'août dernier, The Suburbs. Eh bien, ils sont en train de faire un film avec Spike Jonze qui dure 30 minutes, intitulé Scenes from the Suburbs. Ça ressemble pas mal au clip de la pièce The Suburbs, des jeunes qui se promènent dans les rues d'une ville qui est monopolisée par les forces militaires. Ils peuvent pas sortir de la ville à cause que les entrées et sorties sont dirigées par les forces militaires. Il y a une guerre, etc. C'est assez spécial et le film va être autour de cette histoire-là. Et la première va être au Berlin International Film Festival. Hmm. Et on va justement entendre la pièce The Suburbs. Quel excellente hasard. Pièce du dernier album de Arcade Fire. The Suburbs de Arcade Fire au 89.1 FM dans le bloc Guess What de Stéphanie Gagné. Grab your formation Arcade Fire avec la pièce The Suburbs de leur dernier album du même titre. C'était leur bloc Guess What de Stéphanie Gagné. Merci beaucoup, Steph. De rien, Mathieu. Pour tes bonnes nouvelles sans potins cette semaine. Non, pas de potins. Je sais pas qui sort avec qui. Non? À part Cœur le pirate qui sort avec Jay Malinowski. Ouais, mais si tu l'as dit comme 15 fois, je pense qu'on le sait maintenant. Oui. Ça va faire. À cette heure, tout le monde le sait. À cette heure que je l'ai dit dans une chronique Guess What. C'est grâce à toi. Ah, je sais. Tout est grâce à toi, Stéphanie Gagné. C'est grâce à toi qu'on prend une pause maintenant et qu'on revient après avec plus de Palmarès C'est fou. Merci, Stéphanie, merci beaucoup. De rien, ça me fait plaisir. Merci encore. Merci encore et encore, sans cesse. Ça suffit, Mathieu. Ah, c'est fou, là, vous avez. 89-1. T'as pas ça? Boing, boing, boing, t'as pas ça? C'est très différent. Oui, ben c'est ça. C'est différent. C'est des palmarès, c'est fou. C'est fou en général, c'est différent. Bon. J'étais sous choc. Bon retour, c'est des palmarès, c'est fou. On est rendu aux positions numéro 4 de chaque côté. Du côté anglophone, c'est Atomic Baobab avec Cut It Up qui monte d'une place. Et côté franco, Vanessa Parietar avec la pièce Le Reflet de l'album Canicule et Ours Polaire qui monte de une position. Veux-tu me surprendre encore, moi? Boing, boing, boing. Non, encore? Tu peux arrêter? Là! Une dernière fois? C'est vraiment agressant comme début! J'ai le pouvoir de la console! Ça va faire. Donc, c'est vraiment arrêter. Agressant! Ah, j'ai aimé ça! Dernière fois, Steph, juste une dernière fois. fallait que je le fasse. Là, c'est fini. OK, aïe, aïe. Oh, non, elle veut plus, là. Elle veut plus. Big Baobab et Cut It Up en position numéro 4 anglophone, ça monte d'une place. Et avant, c'était Vanessa Parietta avec la pièce Le Reflet, 8e semaine de suite sur le palmarès. J'ai lâché mes poing, poing, boing. J'espère. Hey, c'était vraiment agressant. Je m'en venais violente. Deux fois, c'était trop. C'était trop loin. Oui, j'ai failli te lancer mon cellulaire. Ben ouais. On est rendu pour son numéro 3. En anglophone, on va entendre Sufjan Stevens avec I Walked, ça monte d'une place. Et côté franco, c'est Alexandre Desilets avec la pièce Le souffle court qui monte d'une position. On s'approche dangereusement des numéros 1, là. Ouh, il en reste plus long. Attention. Volé. numéro 3. Oh,

Braids et la pièce Plath Hard de leur album Native Speaker en deuxième position anglophone. Ça monte de 17 places. Et avant, c'était Alex Nevsky avec 1000 raisons qui reste stable à la deuxième position. C'est déjà la fin des palmarès C'est fou et on doit se quitter assez abruptement. Nos numéros 1 vont suivre après qu'on se soit dit au revoir. Stéphanie va rester avec les auditeurs du jeudi pour une pêbèche en mission. Qu'est-ce qui s'en vient? On va parler de The Strokes. J'en parle un petit peu plus de leur nouvel album. Il va aussi avoir du We Are Wolves, Marc-Pierre Arthur, Ariel et plein d'autres excellents groupes. Les auditeurs du vendredi soir, eux, vont rejoindre les Lutins de l'Enfer dans quelques minutes. On va se retrouver jeudi prochain à 13h pour C'était fou. Puis les palmarès, c'est fou, c'est jeudi prochain à 13h. Comme je disais, on se quitte avec les positions numéro 1. Du côté anglophone, dis-moi pas que tu sais pas ce que c'est. C'est Nans and Nat avec Tell Me qui monte de deux places. Et côté franco, reste stable, c'est Chromeo avec J'ai claqué la porte. Troisième semaine au palmarès. Disons, moi, en tout cas, moi, je m'en vais. Je te laisse ça, je claque la porte. Ah ah ah. C'est pas un jeu de mots autant que juste utiliser le mot dans une phrase, mais bon, peu importe. Passe une très belle émission, Stéphanie. Merci beaucoup, Mathieu. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Passez une très, très belle semaine, vous, les petits palmiers. Puis on se retrouve lundi matin à 7h pour Assemblage requis. Bye! J'aurais pas dû partir sans dire je t'aime, mais j'aurais pu partir sans faire une scène. Les deux assis en larmes sur le canapé, et moi fatigué, mal rasé. Je me suis levé, j'ai claqué la porte, j'ai laissé ma brosse à dents avec la tienne, et celle que j'utilisais les week-ends. J'ai pas eu le courage de la retirer. Quand je les ai vus les deux à côté, je me suis levé, j'ai claqué la porte. J'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte. Il fallait que je sorte, j'ai claqué la porte. Maintenant je t'écris d'une chambre d'hôtel, et les mois ont passé, pas de nouvelles. J'ai jamais arrêté de penser à tes cheveux sur l'oreiller. Quand je me suis levé et j'ai claqué la porte, et si jamais un bon vent nous ramène et on se revoit dans une ville lointaine, si tu hésites avant de m'approcher, sache que je serai un homme changé qui va pas se lever et claquer la porte. La porte. J'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte. Il fallait que je sorte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte. Il fallait que je sorte, j'ai claqué la porte. Are you feeling alone? Are you?